A7, j'aime, je n'aime pas. Uhib, la uhib. Écoutez et répétez. J'aime la Tunisie. Uhib Tunis. J'aime le Liban. Uhib Lubnan. J'aime voyager. Uhib al-safar. J'aime lire. Uhib al-qira'a. J'aime me lever tôt. Uhib al-nuhud bakiran. J'aime la campagne. Uhib al-rif. J'aime la mer. Uhib al-bahr. J'aime conduire. Uhib qiyadat sayyarat. J'aime le football. Uhib kurat al-qadam. Aimez-vous le café arabe? هل تحب القهوة العربية؟ Aimez-vous l'arak libanais? هل تحب العرق اللبناني؟ Aimez-vous le thé à la menthe? هل تحب الشاي بالنعناع؟ Aimez-vous le sport? هل تحبين الرياضة؟ Aimez-vous la musique classique? هل تحبين الموسيقى الكلاسيكية؟ Je n'aime pas la pluie. لا أحب المطر. Je n'aime pas le brouillard. لا أحب الضباب. Je n'aime pas le temps froid. لا أحب الطقس البارد.